Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. Bonjour à la maison, bonjour tout le monde. Bonjour Maxime. Hey, bonjour à la maison, bonjour tout le monde et bonjour Guillaume. T'as switché un peu la formulation, là, ça me fait. Ben oui, mais j'étais habitué de dire bonjour tout le monde, bonjour Maxime. Puis là, ben toi, tu dis d'habitude bonjour à la maison, bonjour Maxime. Puis là, ben, je vais adopter les deux. Ben d'un oui. Coup, Maxime, il oublierait. Ou... Moi, je suis venu en parler après que t'aies dit Maxime, mais t'avais pas dit Maxime, t'avais pas fini. Fait que là, j'ai eu l'air un peu fou. Mais effectivement, t'es rigide, puis ça prend beaucoup pour que tu comprennes. Ça mais que voulez-vous? Le changement. Maxime, le changement, as-tu eu des changements cette semaine dans ta vie, outre la tempête du siècle? Je vais te raconter. C'était en mars 71. Hey, on a 4 cm de le bat. C'est vrai? Ouais, il y a la tempête du siècle qui est tombée 44 cm. Mercredi, elle est tombée 47. Shit! J'aurais aimé ça qu'on... Ben bon, vous savez tout ça, à cette heure à la maison, ça fait déjà une semaine. Ouais, puis on parle à tous les jours, hein. Les radios sont vraiment obsédées, puis les télés aussi sont obsédées par la météo. C'est terrible. C'est réalisme. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, faut vivre avec la météo. On peut pas décider, hey, aujourd'hui, là, je me sac la météo. Ben, tu sors en short puis il fait moins 20, tu vas avoir froid, là. Non, c'est bien certain, mais il n'en demeure pas moins que c'est du fait d'hiver, essentiellement, là. Malgré tout, là, tu sais. Ben, quand il y a 6 morts, je pense que c'est quand même un fait de société, là. Non, effectivement, mais... 30 000 personnes qui ont pas de courant à Québec, quand même, là. Des places pendant 27 heures, c'est quand même beaucoup, là. Ah, c'est effectivement, moi j'ai un de mes amis, ça a été 25 heures, de 23 heures le soir jusqu'à minuit le lendemain, genre, il était sans électricité, puis c'était vraiment épouvantable, il devait faire absolument très froid, là. Il me disait, il y a des bouts de ce qui faisait 3 degrés chez nous, là, puis c'était comme, merde. Il est comme, oh, moi c'est mes chats qui me gardent au chaud sous mes pieds, là. Ah, bon, ben peut-être ça c'est bien, hein, se réchauffer avec la carcasse d'autres animaux. Hey, pendant qu'on parle de radio, hier, j'ai voulu faire un test, genre de 4h à 4h30, ouais. Il y a combien de temps d'émissions puis combien de temps d'annonces au 93.3. Ouais. Malheureusement, il a fallu que j'arrête de calculer avant, mais de 4h à 4h20, ce qui est, mettons, une distance quand même normale d'auto. Ouais. Pendant ces 20 minutes-là, il y a eu 12 minutes d'annonces. 12 minutes? 12 minutes d'annonce, 8 minutes d'émission. Ah, ben quand même, c'est une bonne moyenne, hein. Mais c'est ce qui fait l'argent, genre, Maxime. Si tu peux avoir du cash, tu vas tout faire pour avoir du cash. Ben oui, mais je veux dire, moi, en tant que consommateur de radio, si, mettons, je finis à 4h, puis à 4h20, je suis chez nous, puis qu'en moyenne, j'écoute 12 minutes d'annonce, j'écouterai pas le 93.3. Ben ça, c'est ton choix à toi, sauf qu'il y en a qui... C'est pas mon choix. Il y en a qui sont bandés sur Gilles Parent, là, Maxime. Ben je comprends, mais pour 8 minutes de Gilles Parent, 12 minutes de achète tel auto. On s'entend que sur le 8 minutes, là, puis c'est... Beauport sur le fleuve. Ouais. Hey, t'as-tu vu les appartements de Beauport sur le fleuve? Ça fait un an que t'en parles. Ça doit pas être si hot que ça. Ça fait un an que c'est pas vendu. Hein. Mais quand même, sur le 8 minutes, il y a à peu près 5 minutes qui est dédié à la circulation puis à la météo parce qu'ils sont obsédés par la météo. C'est vraiment terrible. C'était comme un... Ben là, c'était le résumé de la semaine. Fait que il y avait comme un montage avec plein de bouts de la semaine. Ah ouais, hein. ça j'aime ça. Ça, j'aime ça quand ils font ça. Au moins, c'était bien à entendre ça, mais... Normalement, moi, dès que j'entends une annonce, je m'en vais sur ma clé USB écouter de la musique. Ce qui est un peu triste avec mon auto, parce que le random, il se garde pas en mémoire. Fait que si je switch à la radio, puis je reviens dans ma clé USB, ben le random est plus là, puis faut que je reparte le random. Vraiment? Ouais. Mais c'est... C'est décevant. C'est décevant. Fait que là, c'est triste. Je suis obligé d'écouter ma clé USB en ordre. Tu te sens comment? Ben, un peu déçu, mais en même temps, c'est pas trop grave. Fait que là, je m'en vais sur ma clé USB, j'écoute 2 tunes, ce qui fait à peu près 6 minutes. Je retourne sur le 93.3, encore des annonces. Fait que je retourne sur ma clé USB, écouter une autre tune. Après ça, je retourne au 93.3. Puis je fais, ah, ok, j'entends Jules qui parle. Fait que là, c'est quoi le plus difficile pour toi là-dedans? Ben, atteindre les boutons puis me concentrer sur la route en même temps. Ben, c'est vrai que c'est un énorme défi pour beaucoup de personnes avec des limitations. Hein. C'est rendu un automatisme. Mais bref, cette semaine, je t'ai arrêté au Maxi acheter des trucs pour des burgers. Des burgers végétariens. Des burgers! Ok. Des burgers végétariens aux champignons, là, les boulettes champignons. Oui, ça c'est bon! Ouais. Hey, ça c'est bon! Oh, ben, mon Dieu, c'est bon. J'ai arrêté parce qu'on n'avait pas de pain. J'ai acheté des pains. Ouais. J'ai acheté des frites épicées en torsade. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas mangé ça. Il y avait pas de plus. Pas de plus. Ok, pas de plus. Non, les légèrement épicées en torsade. Ah, oui, ça, c'est sa coche. Ouais. Puis, j'ai acheté du dessert. Mais là, ah. Je l'ai pas dit à Cathy. Puis là, un moment donné, elle fait « Ah, oh, je suis sûr que t'as acheté de la crème glacée. » J'étais comme « Ah, ben, je sais pas. Peut-être acheté de la crème glacée. » T'es comme « Ah, oh, je suis sûr que t'as acheté de la crème glacée pendant qu'on mangeait. » J'étais comme « Ben, je sais pas. Va voir. » Elle dit « Ah, oh, t'as acheté du dessert, c'est ça. T'as acheté de la crème glacée ou des brownies? » J'avais acheté de la crème glacée aux brownies. J'ai trouvé très drôle, on a ri longtemps. C'était un très bon souper. Là, Cathy a fini plus tard, fait que moi j'arrive de travailler. Je fais la bouffe, elle arrive, elle arrange la vaisselle. Fait que je trouve que c'est un très bon deal parce que ben je fais la partie la plus fun. Puis tant de parties la plus fun, j'ai fait de la cuisine aussi, j'ai fait une mijotée au tofu poulet au beurre. Le tofu était passé date, mais je le savais pas. J'ai comme senti le tofu, pis j'ai comme, il me semble que ça sent pas très bon. Cathy est arrivée, elle fait, hey, c'est ça la vieille nonne ici? Le tofu était vraiment plus bon, là. Moi, dans ma tête, c'est comme, bon, ben, ça doit être l'odeur normale du tofu, là. C'est rare que je sente du tofu. Yeah, Maxi! Ça sentait vraiment pas bon. Ben, t'as fait cuire des aliments périmés, pis t'en es pas rendu compte. Ben, j'étais pas sûr si c'était périmé. C'est curieux, quand même. Non, mais j'étais pas sûr, tu sais, je connais pas l'odeur du tofu, fait que je me suis dit, ah, ça sent pas très bon, mais. Ça sent rien, le tofu. Ben, là, je le sais. À ce moment-là, je le savais pas. Ben, tu sais, je veux dire, il y a des fromages bleus, là, qui sentent la marde, pis qui sont bons. Ouais, c'est la vérité. Ben, moi j'aime pas c'est ça. C'est vraiment la vérité. Ben, il y en a des trucs qui sentent pas bons, qui se mangent. Je me suis dit, Hey, parlant de trucs plus bons qui se mangent, hey, c'est drôle. Non, mais c'est vraiment curieux, parce que j'avais acheté des tortillas de, je pense, même si c'est pas le choix du président okay. ou une marque de même bon, là. Ben, okay. Des tortillas de blé entier, ouais, il est pas cher. Puis là, je m'en étais fait une fois, puis après ça, il était resté dans l'armoire, puis je les avais jamais ressortis vraiment. Puis là, l'autre jour, j'avais le goût de manger des tortillas avec Rosalie, fait qu'on s'est fait des tortillas, tiens. Puis là, on a regardé l'emballage des tortillas. OK. Et la date de péremption était à la mi-février. Puis là, on est en mars. On est à la mi-mars. Ouais, fait que c'est un mois. Puis sont encore bons. Il était sur le comptoir, dans le frigo, congélateur. Il était dans le garde-manger. Oh, ouais. Ouais. Mais je capotais parce que, me semble, c'est le genre de truc qui passe vite assez rapidement, puis qui vient vert, puis qui vient dégueulasse. Puis finalement, non, pas tout. Il était encore. Je me demande même, si je me trompe pas, puis c'était pas genre la fin janvier, parce qu'on capotait vraiment sur le fait que ça faisait longtemps qu'il était là. Mais je pense que les tortillas, c'est vraiment moins pire que le pain en tant que tel. Peut-être la manière que le grain est comme tapé ensemble. Ouais, là, il y a moins d'air. Fait que. Il y a moins place à péremption. Ouais. Puis, ça serait logique. J'ai l'impression qu'ils deviennent pas verts. Les tortillas sont plus bons, ils deviennent durs. Ah. Fait que, mais il est encore très très mou, très frais. Il sentait très bon. De la très bonne qualité. Ouais, c'était beau, c'était bon, c'était pas cher. C'était des bons tortillas falafel qu'on s'est fait. Oh, nice. Moi, j'aime ça, le falafel, mais c'est pas bien. Tout seul. Tout seul, le falafel, je trouve ça un petit peu plate. C'est monotone. En sandwich. Mais en sandwich, c'est vraiment bon. C'est une poutine. J'ai jamais testé ça. D'ailleurs, c'est la semaine, genre, les 5 poutines vedettes, là, quel endroit qu'ils font? Le cochon dingue! Ah ouais! Ouais, les poutines vedettes du cochon dingue, cette semaine, si vous voulez essayer ça, vous m'en reparlerez. La Cara Price, pis la Alexis Emeline. Pourquoi? Les vedettes, là, des joueurs d'hockey. Ok. Bon, ben, sur ce petit fret niveau 2, on va poursuivre. Voyons, il me semble que j'avais quelque chose de bien intéressant à dire. Je sais pas, je m'en qu'est-ce souviens qui s'est passé cette semaine, là? Cette semaine, il y a eu de la neige. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, t'as-tu été chez Momo finalement? Ouais, j'étais allé chez Momo, je lui ai parlé. Ouais, t'es là, on a changé pendant un bout. Ouais, chanteur de Momo, là, c'est notre grand-mère, elle s'appelle Monique. Tu sais, on dit souvent, là, les grands-mamans, tu vas là-bas, pis ils t'offrent plein de nourriture, plein de boire, pis finalement, effectivement, elle va faire de la nourriture, pis elle va faire à boire. Ah, tu as un 7-Up diète? Non, j'ai pris de l'eau. J'ai opté pour la solution santé de l'eau. Pas de 7-Up pour moi, mais elle m'a offert à manger. Tu sais, je suis arrivé là, elle dit, as-tu faim? T'as-tu ça? Puis là, j'étais comme, ben, un petit peu, là, j'ai pas dîné. Elle dit, tu veux que je te fasse un sandwich? Puis là, j'étais comme, non, je vais prendre une petite barre tendre. Puis elle m'a donné une petite barre tendre au chocolat, puis c'était bien, bien bon. Puis on a parlé là, de ses voisins, de ma tante Lison. De d'autres affaires. Oh, c'est cool. Puis aussi de mon mariage, hein, bien évidemment. C'est comme le point central de ma vie, là, c'est en site. Là, on a réussi à réserver la salle, on l'a visité. C'est vraiment grand, puis c'est vraiment une très très belle salle. Pour le mariage ou pour la réception? Pour la réception. Okay. C'est le Centre Horizon. Tu sais, là où est-ce qu'ils filment la NSPW? Ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a le salon de quilles en dessous. Non, ça c'est au Monseigneur Marcoux. Ah, ok. Ça c'est Monseigneur Marcoux. Il y avait une autre association de lutte. Mais la NSPW. Il y a de la lutte là-bas aussi. Oui, exactement. Mais la NSPW, où est-ce que Bobby Roode, Sami Zayn, Austin Aries, ils ont déjà lutté. Puis Kevin Owens aussi, c'est au Centre Horizon. On n'aura pas vraiment. Je sais pas si on aura l'occasion de parler de lutte plus tard dans l'épisode, mais c'est WrestleMania la semaine prochaine. Dans deux semaines. Oui, dans deux semaines, t'as raison. Deux semaines. Ah, ouais, on en parlera la semaine prochaine. On se fera nos prédictions, puis on se fera un petit jeu avec des paris sportifs. En tout cas, manquez pas ça, la semaine prochaine, on parle de lutte. Oui, j'avais dit que je ferais un petit top 5 là, sur les meilleures suggestions de chansons, mais malheureusement, vous n'êtes pas manifestés, puis j'ai pas de suggestions de chansons. Fait qu'on va demander à nos invités s'ils veulent suggérer des chansons tantôt pour mon entrée. On leur expliquera. Ils vont si jamais ils écoutent, c'est pour son entrée à son mariage. Ouais, c'est ça. Fait que, parce que c'est ma seule opportunité probablement dans ma vie d'avoir une toune d'entrée. Et ça m'emballe pas particulièrement. Toutes les semaines quand tu fais de l'impro. Fuck you, mec. J'ai pensé à quelque chose tantôt. J'en ai déjà parlé à notre frère Félix. Chantant à Félix. J'ai eu l'opportunité, quand je travaillais au service de garde à l'école, d'animer des ateliers. Moi, présentement, j'anime un atelier de génie en herbe. Tu sais, les jeunes viennent, puis on étudie des questionnaires. La machine qui t'avait prêté? Ben oui, j'avais encore la machine. Nice. Là, ils jouent avec les buzzers, puis ça fait des sons. Tu n'as jamais arrivé où tu t'as mis des pains? Ben, pas à moi, être à l'école. Faut que je la laisse à l'école. Ah ben, tu peux demander une dérogation pour une fin de semaine. C'est vrai que je pourrais faire ça à un moment donné. Ben oui. Ça serait pas pire, ça fait pip, pip, pip, pip. Ben, ça serait malade. Ouais. C'est vraiment... Ouais, c'est hyper malade. Moi, je tripe bien raide. Puis les jeunes aussi ont beaucoup de plaisir à apprendre sans s'en rendre compte. Mais là, ça m'a fait penser à autre chose. C'est que j'ai l'opportunité d'animer d'autres ateliers aussi. OK, quel genre d'atelier? Ça serait-tu badass, Maxime, si je décidais que j'animais un atelier Super Smash Bros, puis que je faisais pas juste jouer avec eux autres, mais ça serait comme un prétexte, là, on s'entend, mais je leur apprendrais des techniques, genre apprendre à jouer avec Rob, apprendre à jouer avec Falcon. Comment faire des L cancel. Ouais, exactement. Du wave dashing. des tech, du bido tech. Ça serait vraiment badass, mais je sais pas si ça passerait. Je pense que ce serait difficile à faire passer. Faudrait que tu rajoutes de quoi par-dessus. En même temps, c'est du parascolaire, on s'entend. Non, mais c'est du parascolaire. C'est au service de garde, c'est pas à l'école. Ah, ben oui, mais tu apprends l'entraide. Tu préfères des matchs en équipe. Ouais, exactement. Là, ça passerait sûrement bien. J'apprendrais la stratégie et la manière de communiquer. Parce qu'il faut que tu communiques avec ton non-verbal et avec les autres joueurs. Tout à fait. Parlant de communication, j'aimerais ça qu'on parle de la qualité sonore du show. Aujourd'hui, tabarnouche. Parce que là, vous avez sûrement entendu la semaine passée que c'était un peu tannant quand Guillaume parlait. Ouais. On se le dit. Ça fait quelques semaines qu'on a des fois des problèmes, puis là, on était comme, mais voyons donc, la machine, on n'a pas pris celle de plus top qualité. Il doit avoir un petit problème dedans. On a acheté une nouvelle machine. Maxime a acheté une nouvelle machine. J'ai acheté une nouvelle machine. Maxime est vraiment une arme charitable, qui. Je fais ça pour le show. C'est très important. Fait que là, on peut brancher nos deux micros directement dedans, puis on peut même en brancher genre 8 affaires. C'est Behringer, on mettra une petite photo sur 17 Avenue des Pins. Elle est pas grosse, mais elle est très belle, puis c'est exactement ce dont on a besoin, je pense, sur 17 Avenue des Pins. Pas plus, pas moins. Non, c'est ça, mais en faisant des tests, je me suis dit, je préfère un test de mettre de la musique en même temps sur une autre des prises, en pouvoir ajuster le son, puis tout. C'était le fil qui partait de la machine jusqu'à l'ordinateur qui faisait que ça sonnait en double. Fait qu'on aurait pu juste acheter un fil. Bon, un fil à 5$, puis on aurait été correct. Finalement, mais quand même, c'est pas si mal. Je pense qu'on est mieux équipé là, avec cette machine-là, même si... On est mieux membré. Ouais. Fait que, bref, shout-out à la nouvelle machine, puis... À Electromike? Electromike avec le gars bizarre. Puis, fuck les fils. Sérieusement, les fils, c'est de la merde. J'étais vraiment déçu que ce soit juste un fil le problème, mais je suis content quand même de notre achat. Nous ferons donc une courte pause, pas commerciale, mais plus de transition pour accueillir nos prochains invités avec une petite surprise. J'aime ça influencer les gens, faire que les gens dépensent, qu'ils brûlent leur argent, perdent leur paye. Arrête de brusquer comme ça. Excuse. J'aime passer des messages. Vous écoutez le 17 Avenue des Pins sur les ondes de puissance maximale. Oh yeah! C'est vraiment un bon extrait que t'as choisi pour la transition entre les deux épisodes. J'étais vraiment content de cet extrait, puis j'étais particulièrement impressionné par la qualité de l'extrait choisi. Ben oui, t'sais, parce qu'il y a eu des bouts, c'est que ça sonnait vraiment pas bon la semaine passée, là, t'as vraiment fait un bon choix, un choix d'expert. Ben oui, mais il fallait que je me choisisse, mais en même temps, t'sais, notre invité a vraiment facilité la tâche. Mais en même temps, là, parlant de choses de qualité, aujourd'hui, on n'a pas un, mais deux invités de qualité qui sont tous les deux dans notre famille et deux habitués du 17 Amis des Pins. Encore oui! Car les deux, ce sont leur troisième passage pour Félix, deuxième passage pour David. Encore mais oui! Il avait déjà passé au téléphone, fait que... Oui! C'est comme leur troisième passage à tous les deux. On accueille Félix et Guillaume, notre frère et notre cousin. Yeah! Ouais! Oh, cheers au centre de la table. Oui, on cheers. David, on cheers avec quoi dans nos mains là? On cheers avec des verres d'Harry Potter, des verres que moi et ma blonde on a acheté au parc Universal Studios en Floride. Oh. Puis chacun on a notre maison différente. Donc. Et si vous voulez dire, vous êtes dans quelle maison et pourquoi, les gars? Je suis dans Gryffondor parce que j'aime ça être le personnage principal et ressortir vainqueur des situations. Oh! Je suis dans Poufsouffle, bien malgré moi. Un peu comme dans la vie, je suis le dernier à choisir. Je suis négligé, mais je ne me laisserai pas abattre et la couleur jaune me permet de répandre la joie. Moi, je suis... Je sais même pas comment le dire en français. Serdaigle. Serdaigle, parfait. Parce que je suis quelqu'un de logique et d'intelligent. T'as l'instinct. C'est exactement. Et moi, je suis... Ben, vous l'avez fait par élimination. Je suis donc Serpentard parce que j'aime beaucoup l'honneur et être... j'aime ça. J'aime ça gagner. J'aime pas le pouvoir. Puis j'aime pas beaucoup Félix. Donc ouais, ben salut les gars, on vous a invité chez au 17 Amis des Pins chez David pour une raison très spéciale aujourd'hui, car c'est la réouverture des Furieux Frangins. Okay, wow. Yes. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is the second coming of Furieux Frangins. Là par contre, quand Félix est venu la dernière fois, on avait présenté un peu c'était quoi les Furieux Frangins. Félix, pourrais-tu nous faire un petit résumé de c'était quoi les Furieux Frangins 1.0? T'as une minute, top chrono. Les anciens Furieux Frangins, c'était un groupe constant de moi, Maxime et Guillaume, où est-ce qu'on faisait des courses de speedrunning sur Twitch. Pis c'est pas mal ça, là. On avait des petits sketchs, des petits vlogs, je dirais. Ouais, c'est ça. Puis on mettait ça sur la chaîne YouTube après le stream. Une chaîne YouTube qui a quand même accumulé 69 abonnés. La toune des 69 abonnés. À quand la toune des 69 abonnés? C'est sexuel! 69 abonnés! J'ai fermé mon petit ukulélé. Hey, j'ai commencé à jouer de la musique, les gars, mais je vous en reparlerai une autre fois. C'est oui. Bon, oui. Donc, il y a quand même quelques abonnés, des personnes qui nous suivaient assidûment, mais la plupart c'était genre notre mère puis notre sœur. Puis Freeman QC. Hein. Freeman hey, Québec, c'est Freeman vrai? QC, hein. Faudrait le contacter, peut-être qu'il pourrait nous parler de. Brownie's Monster. Ouais, Brownie's Monster, je l'ai vu récemment. Sérieux, hein? Ben oui, c'est un vrai humain que je connais. Ah, je te crois pas. On pourrait peut-être inviter Freeman au 17 Amis des Pins. Faudrait envoyer un appel. On va voir avec notre agenda. Fait une minute, top chrono. Oh. Donc, ça, c'était le first coming des Furieux Frangins, le second coming. En quoi est-ce que ça consiste? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus davantage? Parce que, tu sais, t'es quand même un newcomer parmi nous, David, quelqu'un qu'on apprécie tellement. En tant que. Ben oui, parce que là, c'est son. Comme la première fois officielle qu'on le présente en tant que Furieux Frangin, le nouvel invité qui n'est pas frangin de sang, mais frangin de cœur, car c'est notre cousin malgré tout, avec un peu de sang. Un petit peu de sang. Ouais. Et de pantalon. Pourquoi aussi. Est-ce qu'on t'a invité dans les Furieux Frangins et à quoi va ressembler le Furieux Frangin 2.0? Ah! Oh! Ben le Furieux Frangin 2.0 en fait risque d'être un collectif où chacun va mettre des vidéos sur le gaming sur la chaîne à intervalle de 2 semaines. Donc, ça devrait commencer cette semaine, donc on devrait être en mesure de faire une vidéo. Tout à fait. Et puis, chacun va avoir son propre petit sujet, puis je suppose qu'on va le présenter dans quelques instants. Oui, tout à fait, c'est très bien résumé, t'es vraiment plus concis que ouais, moi. Ouais. C'est bizarre, hein, David? C'est bizarre. Si vous êtes bon en maths, si vous êtes capable de faire le calcul, nous sommes 4 qui allons chacun proposer une vidéo aux 2 semaines. Ok, oui. Ce qui veut dire que chaque personne va faire une vidéo aux 2 mois. Ouais. Ce qui fait qu'on va avoir 2 vidéos par mois et au bout de l'année, on devrait avoir une chaîne avec plus d'une vingtaine de vidéos de reviews et de critiques et de plein d'affaires. Arrête ça. Qui entoure le gaming. Oui, comment est-ce qu'on va réussir ça? Bien, c'est à force de travail acharné, de confiance en soi, de réussite personnelle, d'idées novatrices et également de foi en nos capacités. Il faut garder confiance, les gars, puis travailler dur, parce que qui sème le vent récolte la tempête. C'est très bien dit, Guillaume, mais pour citer les boys ou l'ancien compte, les autres chaînes, hein, ils sont gros, ils sont forts, mais nous autres, on a la qualité du mental. Le mental, toughness. Ouais, du mental. Ou pour rester encore l'ancien compte. Ah ouais, Jimmy. Je sais que t'es capable. Lève-toi. En way. La bière. La coke. Jamais. On divague. Une autre citation de l'ancien compte. Yeah. C'est ma préférée. Hey les boys, c'est ça un puck. Vous y avez pas touché souvent ce soir. Hey, alors, on prépare. Moi, là, dans l'ancien compte, ma citation préférée, c'est. Qu'est-ce que t'attends, Koulikoff? Il est mort, Koulikoff! Hey, m'as-tu parlé la dernière fois? Ça se peut, il me semble que oui. Moi, ma préférée, je pense qu'elle passerait plus en 2017. C'est sûr qu'elle passe plus en 2017. Là, c'est quand Lambert, il se met à sortir avec... je me souviens plus de son nom, mais c'est en tout cas... Mais elle, noir, elle hein? noir. Puis là, il dit... c'est pas Lambert qui parle, là, c'est deux autres. Là. Je pense que c'est Gagnon avec un autre joueur. Sûrement Gagnon. Okay. Écoute ce qu'il dit. Il dit, j'espère que t'es bien assis. Lambert sort qu'une négresse. Je te dis, c'est terrible. Tremblé, c'est terrible. C'est, ça n'a aucun bon sens. Je dis, je suis renversé quand j'entends ça. Puis je suis comme, man, ça l'a... Il y a une époque où est-ce que c'était tolérable. c'est terrible. C'était tolérable, mais c'était... Ben, je veux dire, des Noirs, là, ils ne devaient pas en avoir des millions au Québec. Là. Non, il n'en demeure pas moins que c'est quand même un commentaire tout à fait raciste et inapproprié, là. C'est se moquer d'une nationalité, là. Ben, tout à fait, mais c'était quand même quelque chose de peu commun. Là. C'est vrai. C'est comme si je te disais, reste bien assis. Félix sort avec un chin-toc. Non, mais sort avec un gars, tu sais. On sentait que l'homosexualité est plus acceptée, mais il y a encore du monde que ça les frappe, là. Mais si plus tu disais, Félix sort avec une tapette, genre, là, ça ouais, serait bizarre. Ouais, avec là. Une tapette, ouais, tout à fait. Ouais. Mais tu sais. Il y a encore du monde qui pourrait parler de même aujourd'hui. C'est vrai. C'est des mœurs d'époque. Puis la société évolue, mais là, on s'égare beaucoup. Parce qu'on est supposé de présenter nos concepts de France. Moi, je sais qu'on pourrait partir, vous verrez pas là physiquement, parce que vous êtes pas ici, mais on va partir avec David, puis on va tourner dans le sens des aiguilles. Ah, Maxime va être sûr de présenter son contenu en dernier, mais moi, je pense qu'on devrait pas procéder comme ça, vu que c'est toi, Maxime, le premier qui va mettre un contenu, si on se fie à notre non, horaire. C'est non, David qui va c'est mettre David. Un contenu. Ben, puis vu qu'on n'arrête pas de parler, ben, je me suis dit que ce serait le fun d'entendre les invités. OK, parfait, vas-y. Mais si tu veux, on peut y aller dans le sens anti-clockwise. Anti-clockwise. Ben, on peut y aller en ordre d'horaire. Donc, David, okay, après ça, Maxime, d'horaire. Après ça, moi, et puis Félix. OK, c'est bon. Ce serait bon. Aussi par ordre d'âge. Ça met du stress quand même, hein? Hey. Du plus vieux au plus jeune. Du plus vieux au plus jeune. Félix, il va pas finir. Félix, il va finir. Oh, yeah. OK, fait que je vais commencer. David, tu as 2 minutes. 2 minutes? Ben, j'ai pas besoin de 2 minutes, mais pas. Non, mais si tu veux en parler plus, parler un peu de tes projets futurs. OK. Ah, tu peux prendre ton temps, là, on n'est pas pressé. Non, vraiment pas. OK, bon. 2 minutes. Donc, la série que je vais faire, en fait, vous risquez d'avoir l'aperçu déjà. Quand vous allez écouter ce podcast. Dans le fond, moi, ma série, ça va être des vidéos sur une critique de jeux Shoot'em Up. Donc, Shoot'em Up, c'est un de mes genres de jeux préférés. Tu sais, c'est les petits avions qui avancent ou qui vont de gauche à droite, puis faut que tu tires sur tout ce qui bouge. Genre les jeux qu'il y avait au Normandin avec des blocs, là. Ouais, genre à peu près. Ouais. Puis un genre qui, malheureusement, aujourd'hui, n'est plus ou n'est presque plus. Il y en a quelques-uns, dont Jamestown, exact, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est surtout un genre de jeu qui était dans les années 80, début 90. Ouais. Un peu début 2000, mais bon. Fait que moi, c'est ça. Ce que je fais, c'est que je vais faire des critiques loufoques de ces jeux-là. Mais tu dis loufoque, est-ce que tu vas être assis devant ton divan puis tu vas sacrer à toutes les deux mots? Non, en fait. Yes! Yes! Bien sûr, il va y avoir des inspirations de quelques autres YouTubers, mais j'essaie de trouver mon propre style, puis mon objectif, c'est pas nécessairement de me fâcher après un jeu ou de dire les jeux que je déteste. Je vais prendre des jeux que j'adore aussi, mais quand je veux dire loufoque, c'est de... Ma critique est pas sérieuse en tant que telle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des blagues d'un peu n'importe quoi, les sujets chauds du jour d'actualité, puis... tu sais, c'est simplement que c'est pas juste moi qui dis, bon, le jeu est bon pour telle raison, le jeu est moins bon pour telle autre raison. C'est vraiment juste, voici le jeu et voici des blagues. OK, c'est un peu comme si un comique se trouver un prétexte pour dire des blagues. Ouais, un peu, un peu. Ouais, c'est comme si Sugar Sammy se mettait à parler de Roller Coaster Tycoon. On peut dire ça, exactement. Ok, est-ce que c'est complètement du voice-over ou il y a aussi des bouts devant la caméra? Il va y avoir des bouts devant la caméra. En fait, ces bouts-là, c'est plus des sketchs. C'est plus des petites blagues, en fait, de transition entre les séquences. Mais principalement, c'est pas moi assis devant la télévision qui joue, là. T'sais, c'est vraiment, j'ai joué, voici ce que j'ai aimé, voici ce que j'ai pas aimé, avec des blagues par-ci, par-là. Ah, ok, tu disais que t'as pris ton inspiration de certains YouTubers. Est-ce que tu veux nous en donner peut-être un ou deux desquels tu as pris le plus d'inspiration, puis que t'admires particulièrement, mettons? Ouais. J'aimerais juste préfacer ça, qu'on chante-out tout le monde qu'on va nommer dans les... Ouais, pour pas le dire à toutes les fois, là. Donc, chante-out à tout le monde en prévision. Yep. Parfait. Pas certain qu'ils vont écouter, parce que c'est pas mal plus des YouTubers anglophones, mais bon, c'est pas grave. C'est important, là, le respect. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, côté critique, moi, je trouve que dans les meilleurs, ces deux gars, c'est GameSack. Je trouve que eux, ils amènent non seulement des points intéressants, mais aussi de la façon qu'ils l'expliquent. Puis c'est des tout petits segments, 2-3 minutes par jeu. Donc, c'est fou, ils font genre 1 million de jeux à chaque semaine. Ouais, c'est fou. Donc, côté critique, je dirais que c'est mon inspiration. Côté blague, j'aime beaucoup, en fait, le genre de vidéo Joueur du Grenier où, tu sais, oui, c'est des blagues, mais c'est des blagues qui ont un but, au final, un sketch qui mène à quelque part. Donc là, c'est sûr que pour l'instant, je me concentre à faire plus des petites blagues par-ci par-là, mais j'aimerais aller vers une direction un petit peu plus loufoque là, dans ce sens-là. Un peu plus dirigé. Un peu plus dirigé, puis tu veux faire des petits sketchs. C'est que au début, tu fais un sketch, mais un peu comme des épisodes des Simpsons, là, ça a un rapport jusqu'à la fin, puis là, à la fin, oups, t'arrives à quelque chose, puis... T'es parti de quelque part, t'es arrivé à une autre place, mais le chemin entre les deux est complètement pas de sens. L'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Puis est-ce que ton show, ça a un nom spécial comme le Megadav enragé? Megadav enragé! Le Flamingo David! Le Angry Pickpock! Ouais, il y a un nom spécial. Dans le fond, ça s'appelle Super Megadav Attack parce que tous mes titres de vidéos, c'est Super Megadav s'attaque à, puis là, c'est le titre du jeu. Donc, c'est une façon originale, si on peut dire, de présenter le jeu auquel je joue. Donc, c'est ça, ma série va s'appeler Super Megadav Attack. Une série que j'avais déjà commencé dans le passé sur ma propre chaîne YouTube. Mais disons, on va voir ça plus comme un reboot. Remake. Ben, déjà, Guillaume, moi, Félix, on était trois, puis remplir une chaîne YouTube, c'est pas nécessairement facile. Non, hey, ça prend tellement de temps, puis tu sais, on pensait que c'était une tâche qui était quand même aisée, mais crime que ça prend du temps à l'extérieur d'enregistrer. Enregistrer, c'est une partie, mais c'est une petite partie, là. Ouais, c'est comme, tellement c'est pas, comme la pas grand-chose. C'est comme le moins de temps, là. Exactement. Parce que tu vas enregistrer. C'est la partie qui est le plus cool aussi. C'est ça, mais si tu vas enregistrer, il faut que tu le prépares, faut que tu penses à ce que tu veux dire, tu peux pas tout improviser. Fait que là, tu te prépares des scripts, ça prend du temps. Ben faut que tu prennes le temps de t'asseoir, tu réfléchisses. Faut que, aussi que tu sois fier de ce que t'écris. Tu peux pas juste écrire, bon, ça va être bon, on verra ce que ça donne. Je veux dire, on réécrit, on passe à des nouvelles blagues, on enregistre, après ça, on vient, on réécoute. Là, hey, mon Dieu, c'était pas bien enregistré, faut retourner enregistrer. Faut retourner, faut que tu refasses tel segment, faut que tu réussisses à retourner la blague, tu l'aimes plus la blague de conclusion. Fait que faut que tu refasses la conclusion. Tu vas faire le montage, t'as pas la musique exactement que tu veux. Tu passes une demi-heure à chercher la musique. Tu cherches pendant une demi-heure un string de guitare, juste un riff de guitare qui pourrait te permettre de faire une transition que tu souhaites absolument. Tu l'entends dans ta tête, mais tu peux pas le faire parce que t'as pas l'équipement. Tu fais chier, là. Tu fais vraiment chier. Faire une chaîne YouTube, fait que j'imagine faire une chaîne tout seul, là, t'as dû capoter un moment donné parce que là, veux pas, tu te mets de la pression involontairement. Tellement, là. Maintenant, on peut dire qu'on est quatre qui veulent se battre, mais avant, on était trois qui ne voulaient pas. Ben oui! Donc, Super Megadav Attack, c'est des reviews de shmup. Est-ce que tu tenterais d'incorporer d'autres styles de jeux ou c'est le shmup qui... Pour l'instant, ça va être le shmup parce que c'est pas mal les jeux que je connais le plus, mais tu sais, je connais plein d'autres jeux, là. Juste à se tourner un peu ici, mais dans le sens où c'est ceux-là que, pour moi, je m'assois devant la télévision puis je joue à des shmups puis une demi-heure après, c'est correct, je peux changer de jeu, j'ai pas besoin de m'investir dans un jeu. Ouais. Mais j'aimerais ça expérimenter vers d'autres styles de jeux. En temps et lieu, lorsque nous serons rodés. Ouais, exactement. Trouver un style, puis quand je vais être confortable avec mon style, là, je vais faire d'autres choses. Comme on a dit, là, c'est une vidéo de 2 mois pour chaque personne, ce qui fait que ça nous laisse du temps pour respirer. puis ouais. Remplir une chaîne. Sans... Pour travailler aussi, là, ouais, parce que, tu sais, outre la chaîne YouTube, on travaille tous, on a des vies, ben, ouais. On n'est pas travailleurs autonomes à 100%, ce qui fait que on fait ça bénévolement, puis on fait ça pour le plaisir, parce qu'on aime ça. Fait que si ça nous laisse 2 mois entre chaque vidéo, ça nous laisse le temps d'apprécier ce qu'on fait, mais surtout de je te dirais, être capable de vivre nos vies à l'extérieur de YouTube, parce que YouTube, malheureusement, c'est pas notre budget. Non, et si je veux payer mes fucking factures, ben il faut que je travaille dans d'autres domaines. Mais par contre, j'adore faire ça, fait que en ayant ce temps-là, c'est beaucoup mieux. Cool, excellent. Ben merci David, c'était beaucoup plus que et deux aussi, minutes. Et aussi, ben on a mais YouTube, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça me permet de travailler sans pantalon. Tu sais, moi, porter des culottes, ça me tente un petit peu. Ben, je pense que c'est l'objectif de vie de tout le monde, de toujours pouvoir travailler sans pantalon. Hey, travailler avec une Zelda. Oui, travailler avec une robe de chambre et des pantoufles. Tu sais, c'est parfait ça. Le cul dans ton divan, genre, on va faire le montage vidéo, c'est malin. Donc, Maxime, que poursuit? Ben, rien de très, je dirais pas révolutionnaire, mais rien d'étonnant. Je vais continuer ma série des Suivez ce lien qui ont déjà 2 épisodes et qui auraient plus d'épisodes. Mais si je compte pas le fait que je voulais absolument faire un sketch pour le 3e épisode, le temps que je trouve le monde pour filmer ce sketch. En as-tu d'autres décrit des épisodes où t'étais à 3 épisodes, tu disais je veux vraiment faire mon sketch, fait que je vais attendre pour le reste? Ouais, je voulais attendre pour le reste parce que après ça, ben on s'est investi beaucoup dans le 17 Avenue des Pins. Il y a ça aussi qui a coupé dans mon temps. J'ai commencé dans la team Luduc aussi, fait que il y avait comme une réorganisation de mon temps pour penser à YouTube, fait que c'est tombé un peu dans le loisirs aussi à l'extérieur, ouais, l'improvisation, le parcours, tu commences à faire pas mal. Ouais. Mais là, je pense que je suis prêt à intégrer ça dans ma vie. Le 3e épisode du suite. Ah, hey, excusez, je vais revenir à David 2 secondes. Quand est-ce que ça sort ton premier épisode? Ben cette semaine, donc on peut dire un mardi. Ouais, mardi, donc c'est sorti hier. Et c'est sorti hier, excellent. Hey, shout out à David. Excellent. Bref, donc moi, c'est ça. J'ai suivi ce lien. Tu sais quoi, suivi ce lien? C'est des courtes critiques de jeux web. Mm-hmm. Donc le concept de suivre le lien, c'est que pour chaque épisode, il y a le lien vers le jeu Flash ou Unity. Je vais te couper pour un petit scoop parce que Rosalie est en tournoi d'impro avec son équipe au secondaire. Oh, ils ont gagné leurs 2 matchs ce matin, dont contre l'équipe de David, et ils s'en vont en finale. Oh, oui, chanteur de Rosalie. Malade. Hey, on vous encourage fort. Ouais, on les encourage fort et on pense à vous, ma gang de petits tourtereaux. Des Vikings en fait, c'est l'équipe des Vikings. Des ouais, tu peux retourner à suivre ce lien. Donc le concept, c'est de suivre le lien. Suivre le lien pour aller jouer à des jeux Flash. Il n'y a pas de moment où est-ce que... Non, c'est correct. Il y a un petit... Un petit malaise. Ouais. Donc, il n'y a pas de moment où est-ce qu'on voit mon visage. C'est pas ça mon concept. Moi, je mets des images de jeu. J'explique. C'est quoi qui est drôle? Hein? C'est quoi qui s'est passé? Félix a comme créé un gros malaise, puis après ça, ben, il a versé son eau à côté de son verre. Oh mon dieu, Félix. Mais ça va, ça n'a pas touché l'équipement. Ouais. Hey, ça va être dommage tough à compter Suivez ce lien. Ok, let's go. Je vais tasser la crèche. Bon, fait que Suivez ce lien, on se joue. Je joue à des jeux Flash, il n'y a pas ma face, les images de jeu, puis je fais passer des blagues tout au long. Je suis pas là pour raconter des blagues tout le long, je suis là pour vous dire ça vaut-tu la peine d'essayer ce jeu-là, ça vaut-tu pas la peine. Puis au travers, ben je dis un peu des niaiseries parce que je dis tout le temps des niaiseries anyway avec des images. J'essaie de faire des gags un peu plus visuels avec des images qui arrivent dans l'écran. Tu peux nous donner un exemple d'un gag que tu peux faire pendant tes épisodes? T'en as 3 de sortie déjà. Ouais, ben je vais faire une primeur avec le prochain parce que c'est celui que j'ai le plus en tête. Ouais. Ben un moment donné je parle de la lutte, puis là ben je mets une image de Vince McMahon qui est content de qu'on parle de son produit. Après ça, je dis que la lutte, c'est pas très bon depuis un bout. Puis là, ben, je reverse le sourire de Vince McMahon. Fait que là, Vince McMahon est comme rendu triste pendant que je dis que c'est pas bon. Fait que c'est un des genres de blagues visuelles pendant que je raconte. Puis c'est très sérieux ce que je dis. C'est quand même intéressant parce que je fais tu sais, je raconte des trucs que le monde connaisse pas nécessairement. Non, c'est vrai. Puis il y a aussi un petit peu de sketch. Comme je dis, là, le dernier, il y a un sketch de fin. Où est-ce qu'on s'attend pas qu'il y a un sketch? Bam! Il y a bang, un sketch après. Ça sorti de nulle part. C'est bien. Spoiler! Ça. Spoiler! Spoiler, mais c'est des petits spoilers légers. C'est là. Ça. Puis, comme David, si je devais parler de mes inspirations, principalement c'est SNES Drunk. Ouais, c'est bon ça. Qui est un gars qui fait. Je trouve ça cool parce que c'est pas trop long. Ben c'est ça que j'aime. Il essaye pas de crier, il essaye pas d'être le plus comique au monde. Il est là pour dire tel jeu de Super Nintendo, il parle aussi de d'autres jeux, là, mais ouais. Surtout des jeux style 16 bits. Ouais. Nécessairement, il se limite pas à ça, mais c'est surtout ça. Et il parle de jeux. Est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine? Au travers, il va faire des petites blagues aussi. Puis à la fin, il dit, bon, ben, mettons que je l'achèterai pas pour 100$, ouais. Mais si vous le trouvez à un bon prix, achetez-le. Ou sinon, vous pouvez l'essayer, mais c'est pas très bon. Ou sinon, essayez plutôt ce jeu-là est vraiment meilleur dans le même style. Ouais. Puis c'est une vidéo de 3-4 minutes, on voit ouais, jamais son exact. Visage, il fait non. juste... Il part le jeu, il raconte son affaire, puis après ça c'est fini, puis ça passe à autre chose. Moi j'aime bien ça aussi, SNES Drunk. Je l'ai découvert d'ailleurs quand que on a fait la page des Furieux Frangins. Puis oui. Là, que quand je me connectais, c'était dans les suggestions sur le côté parce que tu ben t'étais oui, abonné. Oui, moi j'étais depuis abonné. Ce temps-là, je les écoute, puis j'aime bien le concept, puis je trouve que c'est pas trop, c'est pas, ouais, c'est pas assez non plus. C'est juste parfait, c'est un bon dosage, parce que des fois, il y en a qui font des vidéos critiques, puis ça dure genre 27 une minutes. Heure, une là, heure, là. Voyons donc, King là, qui a fait une rétrospective des jeux Zelda, puis chacune de ces rétrospectives dure entre 47 minutes et 1h10. Ah oui. C'est beaucoup trop long, puis je suis pas capable de m'investir de même. Quand je suis en train de travailler, je le mets dans mes oreilles, puis là, au moins, j'ai de quoi écouter. Mais mettons que je suis chez nous, genre, il me semble que j'écouterais de quoi. Jamais je vais partir ces vidéos. Oui, ça. Tant qu'à ça, t'écoutes un film, là. Ben oui, exactement. Puis sinon, si j'avais donné une autre inspiration, Monsieur Plouf, qui est un Belge, Suisse. Il est un Suisse francophone. Est-ce qu'il y a des trous? Non, il n'y a pas de trou, mais son intro sonne vraiment beaucoup comme la musique dans Henri et sa gang. Ah ouais? Ouais, moi je trouve ça drôle. Cool ça. Puis c'est ça, lui, il met des dessins, puis fait qu'il montre aucune image de jeu, c'est lui qui dessine genre en flash des bouts de jeu à son style pour représenter le jeu. Puis okay. Il fait quand même un bon dosage de blagues au travers. Ok, puis, fait que c'est comme c'est comme un Draw My Life, si tu veux. Un petit peu dans ce style-là, mais je le trouve très intéressant. Il y a un style complètement à lui. Ouais. Puis je le trouve le fun. Lui aussi fait une vidéo à toutes les deux semaines. Ok. Puis il est très très sympathique de ce que je peux écouter. Fait que c'est un autre de mes inspirations. Ta première vidéo devrait sortir quand donc, Maxime? Dans deux semaines, donc la semaine du 10 avril, si je me trompe. Ah, tout de suite après le WrestleMania. Une semaine après le WrestleMania. Ouais, non, la semaine du 5 avril. Ouais, c'est la semaine après le WrestleMania. Ça va être cool, c'est malade. Ouais. Donc, pour ma part, c'est dur de s'arrêter sur un seul style de vidéo parce que j'ai comme trois concepts. Mais t'as le droit d'avoir une multitude de concepts. Ben, c'est ce que j'aimerais avoir parce que je ne suis pas quelqu'un de routinier. La routine, je m'en moque et je fais ce que je veux. Tu peux pas me dire comment vivre, Maxime. C'est ma vie. You can tell me how to live my life. Don't tell me I'm a good boy. Et, who's the good boy? Oh, I'm a tweet. Mais, la première vidéo que j'ai déjà tournée, qui me reste seulement à faire le montage et qui est écrite, qui a un style et un... comment je réveille ça? Un tempo qui me plaît. C'est un top 5 que j'ai écrit. C'est un top 6, en fait. Top 6. C'est à propos de Donkey Kong Country 2. Je n'en dirai pas vraiment plus que cela. Mais la vidéo est écrite, c'est déjà tourné, c'est enregistré, et j'aimerais faire d'autres vidéos de top à propos des jeux vidéo et autres, parce que moi j'ai d'autres passions, là, vous connaissez déjà mes passions pour les jeux vidéo, la lutte, le hockey, le baseball, les sports en général, j'adore ça, je pourrais m'orienter un petit peu dans les sports même, là. je pense que ça pourrait être le fun. Plus sportif que ce que j'en ai l'air, en effet, souvent dans ma vie je vais citer des trucs de sport, faire des références, mettons, au numéro de Patrick Roy, puis des fois là, on me regarde genre... de quoi tu parles. Oui, mais pourtant, il le portait à chaque match. Il le lavait avant chaque match. Et j'ai deux autres concepts de vidéo. La première, c'est une parodie un petit peu sociale là, à propos de la vie de boulot. Ce serait... T'as-tu un nom pour tes séries? Pas vraiment. La première, c'est les top 6. Là. Les top 6. Le Def Murloc. Le Def Murloc. C'est mon gamer tag. Sinon, ça, c'est... Je cherche mes mots présentement. Là. Tu me demandes un nom pour une série que j'ai juste un concept en tête et j'ai rien écrit. Fait que c'est dur de trouver un nom. Là. Mais si je peux vous donner un petit avant-garde, ce que j'ai pensé, c'est la vie d'adulte comme si les adultes étaient des enfants. Fait que moi, je trouve que ce serait drôle. Et sinon que ça, j'ai un autre style de vidéo où est-ce que je vais appliquer une chanson à toutes les sauces. C'est-à-dire que c'est des tunes où est-ce qu'il y a seulement 4 accords qui sont joués tout le long de la tune et prendre une des chansons parmi cet artiste. l'artiste puis la chanter sur toutes les autres parce que ça fit puis que je trouve ça absolument hilarant. Et est-ce que tu la jouerais toi-même à Star que t'as une guitare? Probablement pas, je suis pas assez talentueux et chanter en même temps de jouer, c'est vraiment difficile, Maxime. Mais non, mais tu peux enregistrer ton son, ben, ça t'enregistrer. Jouer ta guitare, ben, ça t'enregistrer. Ouais, mais c'est pas... T'as jusqu'à ta corde à apprendre. C'est vrai. Hein? Le problème, c'est que moi, j'aimerais mieux comme mettre le son de la toune pour qu'on, qu'on identifie plus rapidement la toune, parce que souvent, c'est des mélodies, puis on s'entend que c'est... Là, je parle de Owl City, fait que ces tounes sont plus dans l'électronique que dans l'acoustique. Fait que c'est difficile de faire de l'acoustique sur de l'électronique tout le temps, puis de jouer toutes les mélodies. Ce qui fait que c'est un petit peu l'avant-goût que j'aimerais vous apporter. Toi, les gars, avez-vous des questions? Ouais, moi j'ai une question. Posez-moi ça. Vas-y. Travaillez-le un peu. Top 6, là. Pourquoi 6? À base, je voulais faire un top 10. Puis, j'en avais pas assez. Arrête à 6. Je me suis arrêté à 6. Okay. Je pensais qu'il y avait une signification ou... Ben, j'aime pas les chevrons. Fait que... c'est une question, mais Félix, vas-y. Est-ce que ton émission va pouvoir adresser pourquoi les enfants adorent le goût du Cinnamon Toast Crunch? Ben, justement, je m'attendais à ce que tu me poses cette question-là, ce qui fait que je vais y aller d'une explication tout à fait logique. Je vais prendre le petit pingouin de chocolat que j'ai apporté, qui était la petite surprise, et je vais te le séparer. C'est moins une aile de poulet, j'en ai... Non, c'est... Je vais le séparer pour nous tous. Pendant que je te dis, Félix, que ferme ta gueule. Ok. Oh, shit. Ça va te faire ça. T'as-tu des inspirations YouTube? Je sais que tu fais beaucoup de... Tu vas faire beaucoup de styles, mais... Oui. T'as-tu des inspirations? Dis, ah oui, ce gars-là, il me fait penser un peu au genre de truc que j'aimerais. Oui, What Culture, pour les tops, moi, je trouve que sont vraiment top, en général. C'est-à-dire que on voit jamais leur visage d'abord, mais sont toujours en train de présenter du contenu. Sont jamais arrêtés puis en train de faire des blagues vraiment. S'ils font une blague, c'est juste dire un commentaire sans quitter la trame principale. C'est un humour qui est très pince sans rire, puis je trouve ça agréable à écouter. Si je devrais parler un petit peu plus côté jeux vidéo, parce que j'en écoute aussi. C'est dans ces temps-ci, moi j'aime beaucoup le style Strider 7X qui présente du contenu. Des glitches. Oui, exactement, c'est du contenu de glitch, mais qui, comment je dirais bien, est toujours en train d'expliquer ce qu'il fait. Pas seulement présenter des choses, puis les choses se passent, puis c'est pas trop quoi dire, mais il est toujours en train d'expliquer, puis c'est bien détaillé. Il y a tout le temps un but à ce qu'il... Exactement, dit, hein? J'aime ça quand il y a moyen de comprendre ce qui se passe. Tu sais, les vidéos de Panem Koek, par exemple, là, il explique ce qu'il fait, puis ben, en tout cas, quand il fait du commentary, ouais, il explique ce qu'il fait, puis moi, je trouve ça le fun, parce que des fois, il se passe plein d'affaires, puis t'es comme, oh, what the fuck, puis tu comprends absolument rien, mais c'est ces personnes-là. Sont dans l'explication, puis j'aime bien ça. Cool, veux-tu que je te dise quand est-ce que c'est supposé sortir comme vidéo? Ouais, dis-moi ça. Ouais. La semaine du 17 avril. Oh, c'est sorti dans un mois. Ouais, un mois. Okay. Va mettre là-dessus. C'est un chocolat correct. Vraiment. Ouais, ça goûte de la bastine. Donc, on est rendu à moi. Donc, bouchez-vous les oreilles, enfants, si vous aimez pas ma voix, malheureusement. Donc, adressez mon show maintenant. Il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent. Tu sais pas? Oh, je sais. Peut-être Thomas. Oh, je sais. Hey. Thomas, vous écoutes-tu? Non, pas il est trop occupé à jouer au Nouveau Zelda. Oh, ah ouais, oh, oui, il joue au Nouveau Zelda. Non, on va prendre l'avis de beaucoup de personnes, le Nouveau Zelda. Oui. Pas la tienne. Non, pas la mienne. J'ai même pas essayé, même pas... Rappelez mon mot. Qu'est-ce que tu penses du Nouveau Zelda? Ah, ben oui, Francine l'a acheté! Je l'ai vu le jour au Costco! C'est Zelda Vacances! Zelda Vacances! Ok, hey, c'est drôle. Hey, j'animais un questionnaire génie en herbe jeudi dernier. Puis là, je demandais c'était quoi le nom du nouvel opus de la série Legend of Zelda. Puis il y en a un, il a dit Legend of Zelda British of the Wild. C'est drôle. Un bijou. Pour vrai, là, c'est trop drôle. Il faut faire un Photoshop de ça. Ben, Zelda est British dans version anglaise. Est vraiment British quand elle parle. Ah oh ouais? Ouais, British of the Wild, on l'a. It's canon. It's canon. Ok, donc mon show maintenant, je vais essayer de m'expliquer correctement parce que je sais que j'ai de la misère des fois. Donc, mon show a le nom Les Segments F. Donc, mon but, c'est que je veux faire certaines vidéos, genre des top 10, faire des vidéos sur des glitches de jeu, des reviews, tout condenser ça dans ça, fait que je l'avais un nom un peu général, avec ma première lettre de mon nom, c'est pas pour les segments furieux, les segments frangés, c'est les segments Félix. Les 3 F. F. Les segments FFF. Le furieux frangin Félix. Ouais, moi, ça me rappelle une secte, là, FFF, là. Je pense que tu devrais changer ton nom. Donc, OK. Fait que moi, je veux vraiment faire primairement des top 10. Donc, j'ai déjà un premier sur papier. Je peux même te donner un petit sneak peek. C'est sur des jeux de mon enfance. Oh! Donc, des jeux que j'ai joués pendant que je suis petit. J'en dirai pas plus. C'est sûr qu'il y a des jeux de Vesmer de VTech. Bon, vous regardez la vidéo. Ouais, comment choix. Il s'appelait le jeu principal là, avec les boules? ABC Land, c'est ça? ABC Land Adventure! ABC Land Adventure! Le jeu de Bob l'éponge que j'ai jamais compris. Je parle toujours au premier rond. Vraiment fru. Ça, hein? C'est... Ouais, t'étais furieux. Ouais, j'étais très franche. Furieux, fuck! Ah, shit! Donc, les segments F, tu parles de top, de glitch, peux-tu nous en dire davantage un petit peu sur la formule que tu penses adopter? Devant la caméra, derrière la caméra, sur la caméra. Je compte utiliser minimalement la caméra, être surtout du voice-over. Peut-être faire une présentation avec ma face, je suis dans la caméra pour faire une présentation de ma face. Voici ma face. C'est juste un close-up. Top 10 de ma face. Si tu veux mon conseil, moi je mettrais ta face à la fin si tu veux que le monde reste là. Ouais, c'est vrai. Hey. Non, mais c'est parce que genre, tu sais, ça devient compliqué. Il faut que tu mettes des images, il faut que tu gardes l'attention de ton auditoire, tandis que si t'as ton visage, ben, t'as déjà quelque chose. Fait que t'as pas besoin de rentrer travailler. Donc, je suis vraiment à un stade sur papier en ce moment. Je compte, je travaille sur mon premier top 10. J'ai d'autres idées déjà décrites. J'ai, en général, ce que je veux faire. J'ai une bonne direction. Silence awkward. Donc, ouais, c'est ça. J'ai des inspirations pour ça, bien sûr, comme vous autres. Je suis inspiré beaucoup de Cadicarus. Un youtuber anglais. Ben, je crois qu'il est anglais. Oui, il est anglais. Il est British of the Wild. Ouais, il est British longtemps. Justement, il fait beaucoup de top 10 puis de review. Puis je trouve que sa formule est vraiment drôle. Je le trouve vraiment divertissant. Sinon, j'aime beaucoup comme inspiration JonTron dans ses débuts. Quand il faisait beaucoup de top 10, justement. Ouais. Il y avait certains reviews que ça avait vraiment homemade, que c'était pas dans un studio. Puis ça avait vraiment l'air d'être lui. J'aimais ça vraiment beaucoup, fait que je trouve que c'est une bonne inspiration. Fait que t'es dans un style un peu plus absurde. Ouais. Un peu plus absurde et naturel, songe à le dire. C'est bien, je compte avoir moins de différenciés aussi, là. On peut pas tous faire la même chose. Non, je compte avoir un peu moins de sketch que vous autres, donc tu sais, que ce soit vraiment plus moi qui parle, que ce soit plus moi-même, et vraiment rester dans ce qui est, on pourrait dire, réel. Dans le réel, pas de l'au-delà fiction. Du réel. Donc, toi, ton premier épisode de Fix devrait sortir, si l'on calcule très très bien, dans 6 semaines. Dans 6 semaines, oui. Première semaine de mai. Première semaine de mai. Bon, t'as quand même le temps, là. Il n'y aura plus de neige. Il n'y aura plus de neige. De toute façon, on pourrait être de retour. Si j'ai pas fait de publication de vidéo, si j'ai pas fait de progrès, ben c'est parce que soit je joue à Zelda, soit je fais des streams, ou soit ça... j'étais juste très très lâche. Ouais, bon, on se tiendra au courant de toute façon. On va te pousser dans le derrière pour que tu produises. Donc, si on doit résumer, on va te dire en rafale, Super Megadav Attack. Ça sera c'est sorti hier. En principe, on va mettre un lien sur Facebook. Exactement. Nous avons ensuite suivi ce lien qui est production de Maxime Lemieux, qui devrait sortir dans 2 semaines. On a les top 6, en fait tous les segments de Guillaume là. Je vais essayer de trouver un nom là pour ça là, qui devrait sortir dans 1 mois, dans 4 semaines, et dans 6 semaines nous avons les segments F qui seront produits tous sur la chaîne YouTube des Furieux Frangins. On change pas de branding, on a changé le logo un tout petit peu là avec les un peu plus professionnel, je trouve. C'est moins agressant. Ouais. Nos faces, je trouve que tout est mieux. Je trouve que je me suis amélioré dans l'infographie. Là, tu sais, j'ai pas de pas de diplôme, t'es pas professionnel non plus. Je fais ça pour le fun, je m'inspire des autres, puis je pense que je suis tombé sur quelque chose de fun et agréable. C'est vraiment très très bien. Avec le merveilleux logo de Guillaume, toujours en background. Oui, exactement. Ouais, ben, c'est un logo que j'aime. Je trouve ça un bel emblème. Je trouve ça cool. On va rester avec nous autres, les gars, pour la fin de l'émission. Mais bien sûr. Oui, excellent. On va passer pour une courte pause. Bon, peut-être que mon adjointe Claire commande de temps à autre ou mon épouse, mais on va bien se comprendre, là. À la ville de Québec, c'est toujours. Des furieux frangins. Qui commandent. Normalement, c'est un corps cuisse, une salade crémeuse. Ça, c'est certain. La 17 Avenue des Pins est une présentation du 17 Avenue des Pins. Ben oui. Comme je le disais plus tôt, il n'y a pas grand monde qui a participé au concours de la toune d'entrée. Je voulais faire un gros top 5. J'ai l'impression que nos auditeurs connaissent pas notre page Facebook parce que j'ai jamais personne qui interagit avec nous. Mais tu veux-tu donner le lien de la page Facebook? C'est le www.com www.facebook.com/17avenue des Pins. Ben, c'est simple comme bonjour, hein? Ben oui, tout à fait. Ben, c'est simple comme 17 avenue des Pins. Oui, donc on demanderait à tous ceux qui nous écoutent, les 24 personnes, d'aller vous abonner, sacrement! Pas juste abonner, t'sais, venez nous dire bonjour. Ouais, hein? Dis-nous bonjour. Si vous êtes vraiment un on répond rapidement, venez dire bonjour. Là. Nous autres, on va vous dire bonjour aussi. On vous dit bonjour, puis on va vous donner... On va envoyer un selfie autographié à chaque personne qui... Hein, tu parles d'un beau deal. À chaque personne qui va nous dire bonjour sur le 17 Avenue des Pins, libre à vous de le partager ensuite. Excellent. Donc, vu qu'on a des invités, peut-être que vous pourriez me faire un petit top 5, top 10, top 20, top 12, top 14. On est 3, si on en propose chacun 3, ça en fait 9. 3, 6, 9. 1 pour toi. Top 9. Fait que top 10. Parfait. Super. Donc, c'est top 10 de quoi, Guillaume? Des tounes d'entrée pour mon mariage. Parce que moi, je vais avoir une tounes d'entrée à mon mariage, puis faut que ça swing. Ok, bon ben je vais partir le bal là, vu que je suis co-animateur du 17 Avenue des Pins. Et garçon d'honneur! En plus! Ben hein, oui! Nice, les grands honneurs! Je vais te proposer The Storm Is Coming de Arnold Schwarzenegger. Très bon choix! When the storm hits you! That's how it goes! J'espère qu'ils vont mettre un extrait au moins. Ah oh, oui, on va mettre un vrai. Hey, je me demande si ça va sonner comment sur du violon. Ça pourrait être très très beau, oui, je suis d'accord. Félix, as-tu une première suggestion à nous faire? Non, j'ai pas de suggestion. Ben, David, fais-en une, puis Félix. Tu penses, là, des tounes. Ouais. Tu en connais des tounes. Ouais, mais. Des tounes nous fuck, là. Ça peut être la toune thème de Donkey Kong, l'émission, genre. Il va proposer la toune d'ambiance dans Breath of the Wild, tu sais, il y en a pas. C'est vrai, hein. C'est la première fois à faire, j'ai dit à Félix, j'ai dit, moi, j'aime beaucoup la musique dans ce jeu-là. Mais c'est la musique d'ambiance, hein, c'est pas... Mais quand t'es dans un village, il y en a. Quand t'es dans le château, il y a une fucking bonne tune qui joue. Hein. Je peux arrêter dans le château. Ben, moi, je te conseille d'y aller pour aller tout looter. C'est vraiment pratique. Genre, j'ai fait ça dès le début du jeu, là. J'étais allé au château, j'ai tout looté, je suis reparti. Là. Bon, ben, on dira pas plus de spoilers pour ceux qui n'ont pas joué. Ok, je vais penser à ton conseil. Donc, David, as-tu quelque chose à me suggérer? Moi, j'en ai une suggestion. J'espère que t'as vu le film, mais moi, je te suggérerais True Survivor by David Hasselhoff. Ça me dit c'est rien. Dans le film Kong Fury. Hey, faut vraiment que t'écoutes ça. Si j'ai pas écouté ça. C'est alors c'est drôle. C'est un petit film genre de quoi, 40 minutes max, je pense que tu l'as vu toi. C'est un film des 40 minutes, puis c'est genre une parodie de tout ce qui était années 80, puis là c'est aussi du kung fu. Tu m'en as déjà parlé. Ouais, les gars ils voyagent dans le temps, puis ils se battent contre des laser raptors, puis là le gars il est comme nous sommes à quelle époque? Puis le gars, l'époque des Vikings, puis il dit ah, c'est pour ça les Laser Raptors. Ah, ça fait pas de sens, là. Il se bat contre Hitler, genre, qui est revenu, genre. En tout cas, je veux pas te dire de punch, c'est là, le mais. Kong Führer. Ah. Fait quand t'es up, tu vois, la chanson aussi est tout aussi loufoque, fait que moi, je te suggère ça. En fait, je vais aller écouter ça. Tu pourrais jouer SOS de ABBA. SOS de. Voyons le. Docteur Bombay. Docteur Bombay. SOS de ABBA, ouais, c'est. C'est des bons choix. Tu peux-tu nous faire chanter un extrait? Non. SOS. Puis quand j'essaie de chanter, ça me fait tout seul. All the love you gave me, nothing else can save me. SOS. When I'm gone. Only God will try to go on. Ouais, c'est un bon choix. C'est excellente suggestion. Je suis peur à cette liberté. Et Maxime, une deuxième suggestion. Ma deuxième suggestion, ça va être deux tonnes, vu que ça reste dans le même coin. Ouais. Là. Je vais te suggérer soit On est des hommes de Bob Léponge ou Les Gloutons Barjot. Hey, on est des hommes, c'est tellement une bonne idée. Hommes, notre moustache frisotte. On est des hommes. On porte la culotte. On est des hommes. On est viril et fier, c'est ça pour ça. Nous les gros bras, on sait tout faire. Ça serait vraiment beau. Wow, je serais choyé. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais le noter, je vais en parler à Rosalie. Je suis sûr qu'elle est d'accord. Mais tu sais, les Gloutons Barjot, si jamais tu veux être un peu plus classique. Là. C'est vrai, hein. Ça, je pense que ça joue mieux à la contrebasse. Ouais, je pense que oui, pour le contrebassiste. Ça va lui faciliter la tâche. Toi, David, as-tu une prochaine suggestion? Ah, j'irais du côté francophone avec le Chac à Hector. Cowboy fringant. Ça, c'était une bonne toune. Ça ou Simon Big Will, hein? Simon Big Will. Will. Non, on la chante dessus. Simon Big Will. C'était le fun. C'est l'entièreté de la chanson. Ouais, c'est juste vraiment bon. Le Chac à Hector, il risque d'avoir des plats de salade. Fait que ça fit en plus. Excellent. Ben, vous autres. Félix, deuxième suggestion, extrême badass. Tu pourrais jouer le DK rap. Coconut gun. Coconut gun, c'était une des suggestions que tu m'avais faites la semaine passée. La semaine passée. Damn it! Grand Dad! Ah, c'est une bonne idée. Wow. He's the leader of the bunch. You know him well. He's finally back to kick some tail. Fallait continuer, les gars. Non, mais y aller tout seul, là, c'était beau. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup. J'ai beaucoup pratiqué dans mon bain. Ah! Parlant du bain, ça s'est lié avec ma dernière chanson. Hey, crime. Hey, mon Dieu, j'allais dire de quoi, mais j'ai vraiment pogné mieux dans ma tête. J'allais dire pousse des beaux légumes passe-partout, mais je vais te proposer la chanson thème du plombier magique. Hey, c'est drôle, j'ai chanté à l'école pis les jeunes connaissent vraiment pas ça pis ils me trouvent fucking là, mais des fois ça me prend de même, genre pis ils mettent du jus de plombier. J'ai encore de brisons. Pays des plombiers. Pays des plombiers magiques. Ce sont tuyaux de plombiers magiques. C'est un plombier magique. Pis y'a même pas de camion. Les animaux ils savent. David, une troisième suggestion. Là, tu me prends par surprise. Ah, oh, ok, j'en ai une. On va y aller avec un invité que vous aviez eu dernièrement. La chanson des 100 abonnés par notre cher Michael Flamand. Ah, je pense que j'avais proposé aussi. Tu l'avais proposé. Tu veux-tu la chanter, Maxime, pour lui faire honneur, s'il te plaît? Ah non, mais David, il la connaît par cœur. Ouais, là, ben là. Je sais pas. Non, je sais pas, hein, ça me tente pas. Non, ça me tente pas. Ok, je vais faire un extrait. Je parlais plus pantoute devant le micro, c'est sûr qu'on m'entend pas pantoute. C'est vraiment drôle, c'est des péripéties amusantes. David, je viens de péter ta table en passant. Je suis plus capable de remettre la vis, on va l'arranger tantôt. Ça tombe, ouais. Tant que ça tombe pas, moi je suis correct. Pas de problème. On va partir. Mon grand rêve, c'est d'être populaire. Puis mon deuxième, c'est de m'envoyer en l'air. De m'envoyer en l'air. Puis là, c'est écrit sur le clip. Merci pour les 100 abonnés. Oh, c'est tellement une bonne chanson. J'adore. Absolument. Dernier choix de réponse aux invités avec Guillaume dit son propre choix. On parle de toune d'entrée. Là, on n'a même pas eu de toune de lutte. Moi, je dirais la toune d'entrée à Roman Reigns. Faudrait que tu rentres comme R-Truth. Non, moi j'avais suggéré. Tu disais tout le monde de crier What's up. Moi, j'avais suggéré de rentrer comme Owen Hart parce que moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ça mettrait un spectacle. Mais Owen Hart, tu sais, il rentrait sur un harnais là, à partir du plafond, puis là, ça cassait, puis là, il est mort. Oui, tu t'en souviens? Moi, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Ça aurait donné un spectacle. Ou comme le Ultimate Warrior, tu cours 3 fois. Oh, sinon, tu peux prendre la toune à Stone Cold Steve Austin. La glanoche. Non, ça, c'est... Ça, c'est Goldberg. Non, ça, c'est Brock Lesnar qui a fait... Non, moi, je parle de Stone Cold Austin avec la vitre. C'est important, la vitre. Tu passes à travers d'un panneau de vitre, puis le tendre. pour ton mariage. C'est vraiment beau. Ben, moi, je pensais plus Rey Mysterio, là, sauter du plancher, je sais pas. T'as une trappe, là. Pas mal sûr qu'ils ont pas cette installation. Ou sinon, là, Kane, ouais. tu mets des lance-flammes partout. Des lance-flammes partout. T'as plein dans le. Je sais pas si c'est dans une église, sûrement, là. Oui, ça sera dans une église. Tu mets ça partout dans l'église. Bon, et toi, Guillaume, avec tous ces choix, y en a-tu une. Est-ce que tu y vas avec la famille ou t'as ta propre proposition? Ah, mon doux, j'avais quelques propositions que j'ai suggérées à Rosalie. Elle les a toutes refusées. Mais là, y en a-tu qu'elle va dire oui à un moment donné? Ben, elle aura pas le choix, à un moment donné. Là. Faut qu'on se branche, là, puis qu'on comprenne. Je sais, mais je veux dire, si elle dit tout le temps non à toutes, peut-être qu'elle veut pas que t'aies une toune d'entrée. Peut-être qu'elle veut pas se marier. Peut-être tape dans tes mains. Mais moi, je lui avais suggéré, la première chose, j'ai dit, c'est sûr, je rentre sur John Cena, puis là, elle était pas d'accord. Word life, these are basic ergonomics. J'y avais suggéré également le thème de Shawn Michaels, mais elle était pas d'accord non plus. Sexy Boy, ça marche pas. Là. C'est parfait. Oui, c'est malade, tu préfères toutes les pauses pis tout. Ben oui, vraiment. J'avais suggéré le Seigneur des Anneaux. Je trouvais que c'était beau, mais c'est un peu plus déprimant, le Seigneur des Anneaux, quand on y pense. Mais je pense vraiment que je dois m'arrêter sur... Je vais vous la chanter. Now listen up, here's a story about a guy who lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is blue. Blue his house with a blue little window and a blue car wheel and everything is blue wherever on nobody now listen I'm blue da ba di da ba di da ba di da ba di da ba di da ba di da ba di da ba di da ba di da ba di I'm blue and I'm a team. Wow! Je sais pas ça si on finissait là, puis ça avec un fondu ou si on continue. Ben, ça se peut que je coupe puis je mette en fondu. Ah, ok, mais est-ce que je vais continuer de dire des niaiseries? Tu vas mettre Inspecteur Gadget puis remplacer toutes les calls d'Inspecteur Gadget par ton nom. Guillaume hein. Le mieux. Comme l'arbitre, là, c'est ouais, quoi comme l'arbitre à l'île. Ouais, genre, tu c'est mets Undertaker, les lumières y partent, là, t'as des druides qui apparaissent partout dans l'entrée, t'as gong. La fumée. Un cri gong, les lumières ferment, là, ça serait parfait. Mais sur une note plus sérieuse, je sais pas si je devrais en parler, mais je pense que je vais en parler pareil. Moi, ça me dérange pas. Je pense que je vais opter genre pour, tu sais, le CD instrumental de Zelda qu'il avait fait. Oui. Je l'ai écouté, puis il y a vraiment des tunes qui seraient hyper à propos, dont la tune du Lon Lon Ranch. Moi, je pense que ça serait probablement une tune que j'adopterais pour mon mariage. La tune du Love Norman. D'abord, je suis dû pour avoir un trio de musiciens acoustiques avec un violon, une contrebasse, puis probablement une guitare aussi. Fait que les trois ensemble, je pense que ça pourrait super bien faire pour une tune du London Ranch à remastered, puis en version acoustique. Je pense que ça ferait super beau pour quand je vais rentrer. Très bon choix. Tu sais, un petit peu plus classique, puis j'aimais ça, le petit clin d'œil aux jeux vidéo, là, je trouvais que ça fitait. Puis tu sais pas la première affaire que ma belle-mère a dit. Quoi? Ma belle-mère a dit, parce que Rosalie a dit, ben, c'est Guillaume, il dit qu'il va sauver une toune d'entrée, puis là, elle a dit, check ben ça, il va rentrer sur Mario Bros. Là, je suis comme, bon, ben, ma belle-mère me connaît un petit peu, hein. C'est tout le temps que nous avions les invités. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre expérience? Comment vous avez aimé ça? Et comment vont aller pour le reste de votre journée, les gars? Ouais, moi, j'ai rien de prévu pour le reste de ma journée, mais merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir pour moi. Ben, on est content que tu fasses maintenant partie des Furieux Frangins. Ben oui, hey, ça me fait tellement chaud. C'est cool. Puis, justement, j'avais préparé une petite carte pour David. Je sais pas si tu voulais y lire aujourd'hui. Ouais, je vais la lire, la carte pour David. C'est pas moi qui l'avais lu la dernière fois, la carte pour David aussi. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis très prolifique pour parler. T'es prolifique. Donc, elle est quand même longue, là. Prépare-toi. Now, listen up. Here's a story about a guy who lives in... C'est bizarre. Je me suis trompé, j'ai imprimé les paroles de la toune. Ben, c'est pas grave, ça continue plus bas, ça y va comme ça. Somebody once told me the world is gonna roll. Ben, tout ça pour dire, David, que t'es un peu notre petit Shrek national. Tu te roules dans la boue et tu vis dans un marais. Ben, c'est bizarre, je m'attendais pas à ça, Maxime. J'ai oublié ma couleur. C'est un rêve que j'ai fait. C'est un peu compliqué, là, je rentrerai pas dans les détails. Ok, là. Bon, ben. David dans un bain de boue, là, en tout cas. Ok, on fait tout ce rêve-là, hein. Maxime, je vais te laisser lire la carte pour Félix. Je te la refile comme ça ici. Ah, ben, mais, merci. Fais bien attention, je l'ai imprimé sur un papyrus. Oh. Justement, j'ai apporté mon jus de citron. Félix! T'étais pas très inspiré aujourd'hui! Il y avait des petites notes de musique. Ah non, mais il manquait le petit poème en dessous. J'ai écrit un petit poème aussi, c'est haïku. Ah, je pensais que c'était un alexandrin. Non, c'est haïku. C'est vraiment haïku. Okay. Compte tes syllabes. Ben merci, c'est super gentil. La porte grande ouverte, je pense à penser aux découvertes. Je t'aime ma pomme verte. Ah, oh, c'est beau. Fait David, Shrek, Vert, Félix, Vert. Ouais, c'est la Saint-Patrick. La Saint-Patrick. Hey, bonne Saint-Patrick à tous. Saint-Patrick, c'est la dernière tempête. Fait dernière partie. La tempête de Saint-Patrick est terminée. C'est fini. C'est en mars 71. Oui. Il y avait de la neige jusqu'au tour de mars. Au 17. Avenue des Pins. Bonne semaine, ladies. Bye-bye. Le 17 Avenue des Pins est une production Puissance Maximale et RZO. Une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.